valse. Ce que le texte en est. Une valse, Popol. Ils peuvent danser. À trois temps, oui. Plus de flics au carrefour de nos doutes. Plus de week-end pour baliser les routes qui nous conduisent aux prairies les pollués. Où l'on se couche dans les douze soirs d'été. On a beau fouiller les quatre horizons, rien n'est plus poétique que l'autogestion. On verra les derniers hommes politiques faire leurs discours aux foules ironiques. On applaudira pour pas les vexer, puis on rentrera chez nous sans voter. On a beau fouiller les quatre horizons, rien n'est plus poétique que l'autogestion. On pendra ni patron ni président, car les martyrs font toujours les enfants qui, cinq ans après les révolutions, prennent le pouvoir et finit la chanson. On a beau fouiller les quatre horizons, rien n'est plus poétique que l'autogestion. Il n'y aura plus de conneries à la radio, hey. Rien que des idées, rien que du nouveau. Connaissance et plaisir seront mêlés, il y a des speakers qui te feront charger de métier. On a beau fouiller les quatre horizons, rien n'est plus poétique que l'autogestion. On saura qu'on respire tous le même air, que bêtes et hommes, hommes et univers, atomes, cosmos, on est tous solidaires, on fait tous la ronde dans la même galère. On a beau fouiller les quatre horizons, rien n'est plus poétique que l'autogestion. En attendant, on trime tous comme des cons, chacun fermé pour cause de production. On crève d'ennui entre deux élections, on crève de faim de l'autre côté de l'horizon. Y'a que l'utopie qui allume l'horizon, rien n'est plus poétique que l'autogestion.